Ça, c'est l'hérité. Il excellait à manier les armes et les chevaux, et il supportait la fatigue au-delà de ce qu'on peut croire. Dans les marches, il précédait son armée, quelquefois à cheval, mais le plus souvent à pied, et la tête toujours nue, malgré le soleil ou la pluie. Il franchissait les plus longues distances avec une incroyable célérité, sans apprêt, dans une voiture de louage, et il faisait ainsi jusqu'à 100 000 par jour. Si des fleuves l'arrêtaient, il les passait à la nage, ou sur des outres gonflées, et il lui arrivait souvent de devancer ses courriers.